Merci Francis, merci pour l'invitation. Dans ce séminaire qui apporte des questions qui m'intéressent, qui me touchent directement, particulièrement, et notamment celle que dont je vais essayer de parler en quelques mots, qui essaie d'articuler le rapport entre la recherche et l'innovation, hein, que j'ai sous-titré « Une enquête de reconnaissance ». Donc c'est une sorte de disons d'enquête qui vise à défricher quelques points de façon assez limitée. Alors ce qui me paraît intéressant, c'est de commencer par noter que il y a un usage du terme de recherche qui peut être assez général, puisque d'une certaine manière, si on regarde un certain nombre d'approches qui mettent en avant la notion d'enquête, tous les êtres humains sont des chercheurs. En fait. Et il se trouve qu'il y a une petite communauté parmi cette humanité nombreuse, hein, qu'on appelle les chercheurs, hein, qui font profession, hein, de ce métier de l'enquête, hein, qui, en ce sens-là, semble constituer un groupe à part au sein de la société. Mais on voit aussi qu'il y a une sorte de tropisme épistémique, hein, je dirais, de la recherche, qui tend à l'associer de façon privilégiée à la recherche scientifique, alors que les mêmes philosophes pragmatistes ont notamment Dubouet, ont essayé d'élargir pas mal, hein, le champ, hein, de cette enquête, hein, puisqu'il y a aussi des enquêtes morales chez Dubouet, des enquêtes sociales, des enquêtes communes, etc. Quoi qu'il en soit, hein, de ces acceptions du terme de recherche, on voit que cette conception de la recherche est aujourd'hui questionnée, hein, par ce qu'on pourrait appeler l'âge de l'innovation, hein, c'est-à-dire un âge où l'innovation règne en maître, avec tout son cortège, hein, d'enjeux, la nouveauté, la créativité, l'accès, etc. Mais aussi, hein, du fait d'une dimension économique assez affirmée, l'utilité, le marché, la propriété, le profit. Alors ces ensembles d'évolutions, hein, de la recherche, hein, qui est travaillée par l'innovation sont tout sauf neutres. Hein, positivement, elles vont dans le sens d'une ouverture de la recherche, mais négativement, elles vont dans le sens d'une contrainte forte, on pourrait même dire pesante, d'orientation très nettement économique qui est exercée sur les productions ainsi que sur les procédures de la recherche. Alors comme vous le savez, bien entendu, la recherche n'est pas d'un seul bloc. Derrière ce vocable, c'est une pluralité de sens, de formes, de règles et d'actes, hein, qui se laissent entrevoir. Alors c'est l'enquête proprement dite, avec disons un enjeu de définition, d'organisation, d'exécution du projet qui est parfois distinguer en plusieurs séquences dans un plan. Et on voit ici que la recherche comprend dans l'ordre intellectuel des raisonnements, des expériences, des échanges, des discussions, des controverses, des conflits même. Mais cette recherche comprend aussi l'ordre matériel, hein, des équipements de laboratoire, des calendriers de travail, des appels d'offres, des dossiers de projet, des budgets prévisionnels, des levées de fonds, des règles de gestion, des campagnes d'information et de communication, des créations de postes, etc. etc. Et donc c'est toute la partie moins noble que les philosophes en général laissent aux économistes, aux sociologues et aux historiens, en se concentrant sur la logique de la recherche, alors qu'on pourrait dire que la partie logistique, dans le sens trivial du terme, mais tout à fait essentielle évidemment de la recherche, est tout aussi intéressante et instructive en réalité sur ce qu'est la recherche, sur la façon dont elle fonctionne. Mais c'est comme s'il y avait une sorte de résistance des philosophes à disons mettre en péril cette espèce d'héroïsme scolastique, hein, qu'on appelle l'aventure des idées, et du coup préférant se concentrer sur la logique plutôt que sur la logistique. Alors ce qui me paraît intéressant, c'est que l'approche qui est proposée par les pragmatistes américains part d'un primat de la pratique sur la théorie, une sorte de tournant historique, hein, dans l'histoire de la pensée philosophique. Alors qui paraît tout à fait importante et intéressante évidemment, dès lors que dans cette philosophie, la méthode met les spéculations des chercheurs à l'épreuve de l'expérience, ce qui est un peu le credo du pragmatisme. Mais on peut aussi voir que dans certaines versions du pragmatisme, non pas Dewey mais plutôt Peirce et James, il y a un certain nombre de propositions qui peuvent prêter à équivoque, en tout cas recevoir des interprétations ambivalente, hein, concernant justement les critères d'efficacité ou d'utilité qui sont censés régir ou réguler le déploiement des enquêtes et donc l'activité de recherche. On voit chez Peirce, par exemple, cette notion d'économie un peu sloche, cette économie de la recherche qui propose justement de développer un certain nombre de règles procédurales pour accroître l'efficacité du processus d'enquête. Et on peut se demander, d'une certaine manière, si cette économie à research de Peirce aurait quelque chose à voir éventuellement avec ce qu'on pourrait appeler en comparaison l'économie of innovation, l'économie de l'innovation de Schumpeter, quelqu'un comme Schumpeter qui, évidemment, lui est d'emblée dans une orientation beaucoup plus économique encore, au sens classique du terme, que Peirce. Mais avec cette idée aussi que dans l'innovation telle qu'elle est conçue par Schumpeter, nous avons ici un enjeu qui est la production de nouveautés utiles, provisoires et le plus souvent lucratives. Donc il y a un vrai problème dans les relations qu'on peut concevoir entre la recherche et l'innovation, entre une économie de la recherche et une économie de l'innovation. Et on peut voir que dans certaines conceptions plus classiques, encore qu'elles demeurent assez récentes, où la recherche prime et l'innovation découle, pour ainsi dire, de cette recherche au titre des applications, on peut se demander s'il n'y a pas eu une inversion avec cet essor considérable de l'économie d'innovation qui finalement aboutit à une situation où c'est l'innovation désormais qui est la locomotive et la recherche qui est à la traîne, comme si elle était en quelque sorte un cas limite d'un processus d'ensemble beaucoup plus global qu'on appelle non générique d'innovation. Et c'est ce problème d'une éventuelle aliénation de la recherche par l'innovation que je vais essayer d'aborder ici en réfléchissant aussi sur un certain nombre de conséquences qu'une telle aliénation peut avoir, notamment au regard de la question qui est posée ici de l'éthos de la recherche et évidemment en particulier de la recherche scientifique, même si je n'oublie pas qu'il y a évidemment d'autres modes de recherche, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, recherche morale, recherche sociale, etc. Alors, on peut supposer dans un premier temps que la recherche, dans son esprit, dans sa lettre également, est modifiée par l'insertion dans une dynamique de l'innovation et par la soumission à une contrainte utilitaire marchande, mais aussi temporelle, que cette innovation fait prévaloir. Et on voit ici que l'innovation, d'une certaine manière, n'est plus uniquement concerné par les applications, mais par des applications d'applications, c'est-à-dire des applications techniques qui entretiennent un rapport plus ou moins distant avec des recherches fondamentales, des recherches qui sont considérées comme ayant une forte portée ou densité théorique en comparaison avec l'orientation plus technique, plus instrumentale, plus utilitaire en principe de l'innovation. Alors, je vais essayer de comparer ces deux modèles, de l'économie of research de Peirce, de l'économie of innovation de Schumpeter. Comme vous en souvenez sans doute, Peirce est un des non, le père fondateur du pragmatisme qui a fixé disons des règles de procédure élémentaires de la méthode expérimentale telle qu'elle est conçue par le pragmatisme, en insistant sur la dimension pratique. Mais ça serait sans doute une erreur d'optique de considérer que chez Peirce, ce sont les critères d'utilité ou d'efficacité seuls qui caractérisent en fait l'enquête scientifique, puisque Peirce reste quand même très attaché à cette idée selon laquelle la recherche scientifique a vocation à demeurer fondamentalement inutile, c'est-à-dire pas directement liée à des enjeux d'utilité sociale ou économique. Ce qui ne l'empêche pas de proposer une économie of research, une économie de la recherche, qui elle-même est concernée par ces critères d'efficacité ou d'utilité, mais d'une manière qui est assez particulière chez Peirce. Il s'agit en quelque sorte, chez lui, avec cette méthode des méthodes, dans laquelle s'inscrit en fait l'économie de la recherche, de proposer des stratégies rationnelles, un plan cohérent de procédure, comme il le dit, qui comporte un classement des hypothèses et définit l'ordre dans lequel elles doivent être testées de manière à éliminer au plus vite les hypothèses fausses ou mauvaises. Et donc il s'agit, dans cette méthode de l'économie de la recherche, de pouvoir trouver des critères selon lesquels on décidera quelle hypothèse doit être testée en premier, telle autre hypothèse en second, etc. Et en fait, Peirce s'est intéressé par l'évaluation, c'est-à-dire l'attribution d'une certaine valeur au savoir à l'intérieur de certaines limites et en fonction de la qualité de l'information que procure la recherche. Donc il établit que la variation de la valeur de la recherche a une certaine relation avec la variation du coût de la recherche, le coût variant lui aussi en fonction de l'information. Je cite Peirce dans les Collected Papers. Il y a une relation entre la valeur d'un accroissement de certitude d'un élément de connaissance et le coût d'un tel accroissement de certitude qui nous permet de déterminer s'il vaut mieux dépenser notre génie, notre énergie, notre temps et notre argent pour une investigation plutôt que pour une autre. Donc vous voyez les critères génie, énergie, temps et argent aussi, qui sont les critères de cette économie de la recherche que nous propose le jeune Peirce. Par ailleurs, en tant que scientifique de formation, très concerné aussi par la vie de laboratoire, et qui donc est soucieux ce chemin économique, en quelque sorte, des enquêtes qu'on peut proposer à l'intérieur, cependant, d'un cadre beaucoup plus large, qui est celui d'une méthode, une méthodotique, comme il le dit, qui concerne la logique de la science, de façon beaucoup plus générale. Voilà. Et voilà, voici le conseil que Peirce donne aux chercheurs. Avant d'essayer une hypothèse compliquée, assurez-vous qu'aucune simplification de cette hypothèse n'expliquera les faits aussi bien. Et pour Peirce, il est avantageux, d'un point de vue économique, d'essayer d'abord une hypothèse simple. Je cite, « Peu importe s'il faut 50 générations d'expérimentateurs pour explorer l'hypothèse la plus simple, et peu importe à quel point cela peut sembler incroyable que l'hypothèse simple suffise, 50 générations ne sont rien dans la vie de la science, qui a tout le temps devant elle. » Et cela économisera du temps à long terme, disons de quelques milliers de générations, si on procède par ordre et si on prend comme règle invariable d'essayer en première hypothèse la plus simple. Donc voilà pour cette économie de la recherche qui propose une certaine voie de type économique, encore que, comme je l'ai souligné, elle ne prend pleinement son sens qu'en relation avec l'entreprise plus générale d'une logique de la recherche chez Peirce. Et en ce sens-là, ce n'est pas uniquement, une voie économique au sens utilitaire du terme que propose Peirce, parce que, évidemment, pour lui, la science demeure cette activité d'enquête qui a pour vocation de rechercher dans le domaine de l'inutile. Alors, en comparaison, l'économie d'innovation de Schumpeter est orientée beaucoup plus nettement vers des enjeux économique dans le sens le plus utilitaire du terme. Schumpeter, comme vous savez, fait la distinction entre une invention qui concerne la découverte de nouvelles connaissances scientifiques et techniques et l'innovation, qui est l'introduction de nouveaux procédés techniques, de nouveaux produits, de nouvelles sources de matières premières et de nouvelles formes d'organisation industrielle. Et pour Schumpeter, l'innovation, c'est la source de la dynamique du changement dans l'économie capitaliste. Et le porteur de cette innovation, c'est l'entrepreneur, qui introduit dans le processus économique les inventions fournies par le progrès technique ou qui exploite les potentialités qui sont offertes par de nouveaux marchés ou de nouvelles sources de matières premières. Et alors, on connaît tous le cycle de l'innovation pour Schumpeter qui correspond et qui alimente le cycle de l'économie de façon plus large avec des phases d'expansion, de crise, de dépression, de creux et de reprise, donc un véritable cycle du marché finalement dans lequel l'innovation joue un rôle de changement absolument déterminant. Mais on voit bien ici déjà chez Schumpeter qu'il y a cette distinction que l'on retrouve y compris dans les conceptions d'innovation contemporaine qui fait la différence entre des innovations de rupture et des innovations incrémentales, c'est-à-dire il n'est pas nécessaire d'ailleurs que des innovations soient liées de façon étroite à des recherches scientifiques fondamentales, puisqu'il peut y avoir une sorte d'autonomie du processus d'innovation qui ne dépend pas en fait de toute une ligne de recherche scientifique fondamentale, avec une forte portée théorique. Pardon. Et on retrouve chez Schumpeter, évidemment, en lien avec ce cycle économique lié à l'innovation, à cette notion de destruction créatrice, hein, qui est une sorte de mantra qui agite tous les partisans du modèle de l'innovation, dans une lecture qui est sans doute assez optimiste et à laquelle certains philosophes récents opposent la notion d'innovation destructrice. Voilà. Alors si on essaie de voir ce que l'innovation fait à la recherche, on a, pour parler comme Foucault, un changement d'épistémé, avec d'un côté, dans les critères épistémiques pour la recherche, universalité, causalité, éventuellement incertitude, robustesse et découverte, et du côté de l'innovation, particularité, effectivité, aléatoire, agilité et invention. L'agilité est, comme vous le savez, un terme très, très à la mode aujourd'hui pour caractériser cet esprit d'adaptation permanente, de capacité à organiser et réorganiser les structures pour faire face à des ruptures, des disruptions de la concurrence. Alors, dans le changement d'éthos, si on prend les critères éthiques, je reprends ici de façon très, très rapide des critères de Merton que tout le monde connaît plus ou moins, complétés par d'autres critères qui élargissent un peu ce modèle, donc universalité, communauté, intégrité, doute, originalité, pour les critères de la recherche, et qui deviennent dans les critères de l'innovation, particularité, propriété, intéressement, opportunité, nouveauté. Voilà. Donc l'originalité, ça fait bien partie, par exemple, de l'éthos de la recherche scientifique, mais ça devient la nouveauté dans un éthos de l'innovation. Puisque c'est la nouveauté qui importe avant tout, et à la limite, peu importe qu'elle soit originale en réalité. Alors, ce que je voudrais suggérer dans un deuxième temps, c'est que cette articulation de la recherche et de l'innovation produit ce qu'on pourrait appeler une discipline de l'enquête. Et la discipline, en un sens, n'est pas quelque chose qui porte sur des faits, des événements, mais qui porte sur des virtualités. Et elle crée dans son exercice un cadre qui est destiné à orienter le potentiel d'action des individus. Et en ce sens-là, elle peut être considérée comme un bras du pouvoir qui exerce des actions sur les actions, comme dit Foucault. Ce qui, par ailleurs, si on considère cette discipline de l'enquête permet de faire le lien avec des choses sur lesquelles travaille Francis, notamment la notion d'emprise, qui peut être tout à fait intéressante ici, à mon avis, pour, disons, questionner les modalités de cette discipline de l'enquête. D'où vient, en fait, qu'à un moment donné, des acteurs se sentent dans l'obligation de se soumettre à une certaine discipline de l'enquête qui, par ailleurs, leur apporte tout un lot de contrariétés par rapport à l'idée qu'ils se font de leur métier de chercheur et qui ne correspond pas, en fait, à cette discipline qui est proposée. Alors j'ai essayé de recenser ce que peuvent être ces règles, ces nouvelles règles paradoxales de la recherche, ce qu'on pourrait appeler la recherche-innovation, c'est la recherche qui est affectée, travaillée en quelque sorte par le modèle de l'innovation. Et j'en ai trouvé quatre, donc c'est pas le décalogue, mais c'est le tétralogue. La règle méthodique, tu chercheras ce qui se cherche, entre parenthèses, dans la communauté. Il ne faut pas être trop original quand même, c'est dangereux. La règle heuristique, tu chercheras ce qui se trouve, entre parenthèses, dans le projet. La règle bureaucratique, tu chercheras ce qui est prévu, entre parenthèses, dans le contrat. Et la règle économique, tu chercheras ce qui rapporte, alors plein de choses, la gloire, la reconnaissance, oui. L'argent aussi pas mal. Et on peut la comparer, on peut comparer ce tétralogue à une règle qui avait cours dans des régimes autoritaires, ce que j'appelle la règle idéocratique. Tu chercheras ce qui est permis, entre parenthèses, par le parti. Et on se demande si on a beaucoup gagné au change en passant du communisme au capitalisme, puisque, d'une certaine manière, la censure du parti est remplacée par une espèce d'autocensure qui a pour nom le contrôle de gestion. Alors, ce n'est pas évident de préciser le genre de performance qui est attendu des chercheurs dans ce contexte de la recherche-innovation, on pourrait presque l'écrire d'un seul mot. Est-ce que c'est une originalité de la démarche d'enquête, de son résultat? Est-ce qu'il s'agit au contraire d'une conformité aux règles de gestion qui oblige à respecter les étapes et les contraintes qu'elle fixe? Ou n'est-ce pas plutôt un mélange subtilement paradoxal de ces deux injonctions qui intime d'être original et conforme à la fois, c'est-à-dire original dans les limites de la conformité? Quitte à valoriser lors des conciles l'aléa de la recherche, ce charme de l'imprévu qui rappelle l'esprit pionnier des origines, ceci en inscrivant l'acteur de la recherche dans toute une tradition et un imaginaire positif de l'incertitude, du défi et de la conquête, qui maintiennent ainsi la recherche dans le registre de l'aventure. Alors il y a une question symptomatique de ce soft power qui est la suivante et que j'ai déjà entendue, c'est vraiment du vécu. J'ai fait quelques projets de recherche aussi. J'ai eu ce bonheur de goûter à la recherche innovation avec un classique dont je tairai le nom pour ne froisser aucune personne de cette communauté de la recherche, sachant que cette personne n'est pas là aujourd'hui, qui à un moment donné, après avoir entendu les résultats des différents projets de recherche, pose cette question que je trouve fascinante. Avez-vous trouvé dans votre recherche des choses en plus qui n'étaient pas prévues? C'est intéressant, parce que c'est comme si il s'agissait là d'une question sur la déviance un peu canaille, vous voyez, des chercheurs qui ne font pas ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient, mais qui dès lors révèlent ainsi leur essence de chercheurs, le génie commun de leur subjectivité rebelle. Les chercheurs, ce sont des êtres qui, par nature, à l'image de ces éternels adolescents qui n'ont jamais cessé d'être, au fond, sont voués à la transgression, au jeu avec la limite, et qui peuvent se permettre, mais en vérité seulement parce qu'on le leur permet, de prendre des libertés avec la loi. On aurait pu penser, sans doute naïvement, que ce genre de question est, ou plus exactement devrait être, ce qui constitue non pas l'exception qui confirme la règle, mais au contraire la norme de la recherche. C'est un peu, en effet, comme si l'on posait d'une façon qui peut paraître redondante la question, dans cette recherche, avez-vous fait de la recherche? C'est-à-dire, avez-vous fait quelque chose qui consiste à produire quelque chose qui n'était pas prévu? Voilà. Alors, si on essaie de qualifier ce qu'est la nature de cette performance qui est attendue des chercheurs, on peut dire que elle se trouve en fait prise dans un échange symbolique à l'occasion duquel se joue en réciprocité la définition des conditions du travail de la recherche, et où se négocie le rapport entre le sens que ces acteurs lui donnent et en contrepartie les ressources et gratifications que ces bailleurs et contrôleurs lui procurent. On pourrait dire qu'il s'agit en fait d'une performance procédurale, plus que d'un accomplissement substantiel. Elle doit manifester simultanément en bonne et due forme le juste équilibre entre la soumission à des règles multiples d'enquête et de gestion auxquelles il revient de donner et de garantir une cohérence, l'efficience et même la facilitation d'un travail hybride qui s'impose comme une loi aux chercheurs, et enfin la préservation sous l'égide de ce nouveau canon de la recherche des valeurs et normes fondamentales de la recherche. Toute chose au passage que permette la mise en scène d'une déviance légitime à la fois caution et soupape qui scelle l'acceptation d'un nouveau système de la recherche dominé par celui de l'innovation. Et c'est ici peut-être qu'on pourrait faire, même si j'admets que c'est un côté un peu jargonnant, la différence entre des méthodes, des paraméthodes et des métaméthodes. La paraméthode, c'est un chemin parallèle au chemin de l'enquête proprement dit, mais qui exerce sur lui un conditionnement. Voilà. Et on peut considérer que finalement, cette panoplie de règles, de procédures, de gestion, qui sont devenues le lot commun de la recherche, constitue une sorte de paraméthode qui est censée être quelque chose de distinct de l'enquête proprement dite, mais qui conditionne, et je dirais même de plus en plus, d'une certaine manière, ce chemin d'enquête. Alors, on pourrait suggérer que cette discipline de l'enquête concerne la discipline de la méthode, qu'elle se traduit par une certaine discipline des pratiques de recherche, et chose peut-être plus grave encore, par une certaine discipline des théories qui sont produites par la communauté de recherche, étant donné qu'à partir d'un certain degré de conditionnement du chemin d'enquête, ce sont les théories elles-mêmes qui sont affectées par les choix, par les décisions, par les orientations qui sont imprimées par l'innovation à la recherche. Alors on pourrait suggérer qu'il existe une transformation de ce qu'on appelle de façon classique le tribunal de la raison, et qu'on pourrait mettre en parallèle avec un tribunal de la passion. Donc le tribunal de la raison, hein, c'est une instance virtuelle et actuelle d'examen, de sanction, par laquelle advient le procès de jugement qui distingue les raisons légitimes des raisons illégitimes. Et on pourrait le comparer à un autre tribunal qui joue aussi, hein, dans le processus de la recherche, hein, qui est le tribunal, hein, de la passion, des passions, hein, qui distingue les passions légitimes des passions illégitimes. Et d'une certaine manière, on voit ici que cette passion dans la recherche, hein, joue un rôle tout à fait essentiel, comme une sorte de moteur, hein, de l'activité du chercheur. Et néanmoins, elle doit être, selon les canons de la critique, une sorte de passion rationnelle, hein, c'est-à-dire une passion, hein, qui demeure, dans, comme dit Kant à propos de la religion, hein, dans les limites de la simple raison. Donc, on peut être passionné, mais à condition de développer un certain genre de passion. Hein, vous voyez, pas une passion pour l'argent, pour l'alcool, pour les prostituées russes, etc. Ça, c'est pas bon du tout pour la recherche. Ça doit rester une passion de la vérité, de la science, de la découverte, etc. Alors, on a plusieurs aspects, hein, de ce tribunal de la raison, et Latour, dans La science en action, l'a d'ailleurs mis au pluriel, parce qu'il parle des tribunaux de la raison, en montrant en fait la, quelle est cette diversité de référentiels à partir duquel on peut, attribuer le label de rationnel ou d'irrationnel à telle ou telle croyance ou conduite, etc. Mais on pourrait parler, dans cette évolution du tribunal de la raison, lorsque effectivement cette recherche est soumise à des contraintes qui sont plutôt celles de l'innovation, hein, des tribunaux de la rationalisation. Hein, ce sont des instances de la critique, hein, qui déploient des évaluations de projets de résultats sur la base d'un système de critères relevant d'un mode bureaucratique. Alors, j'appelle ça les bureaucritiques. Hein, c'est les critiques, hein, bureaucratiques, qui infléchissent, hein, l'évaluation de la recherche dans le sens de l'innovation, à un point qui confine parfois un peu à l'absurde, hein, du fait de la pondération très discutable de ces critères, où finalement, dans certains projets de recherche qui passent par les fourches codines de la bureaucratie européenne ou même française déjà, le travail que vous faites dans la gestion, le management, la communication compte presque plus à la limite d'un point de vue formel, hein, que le travail substantiel que vous faites dans l'enquête. Voilà. Le presque, tu peux le développer. C'est intuitif ou c'est... C'est du vécu. Alors maintenant, hein, je peux dire deux mots sur justement cette passion rationnelle qui est attendue en fait dans l'éthos du chercheur. Si on est dans la recherche scientifique, c'est la passion pour la vérité, hein, pour la connaissance, pour l'enquête aussi. Et on peut se demander du coup, hein, si la reconnaissance rentre dans le cadre de ces passions rationnelles, hein, qui sont acceptées, tolérées dans la recherche, qui par ailleurs est soumise à ce tribunal de la raison, mais dont nous avons vu qu'il était de moins en moins rationnel en fait. Si on juge d'après certains critères qui prennent un peu de distance avec disons, le formatage généralisé de la recherche à notre époque. Alors la notion de reconnaissance a été pas mal explorée, comme vous savez, Hegel dans la phénoménologie de l'esprit a proposé un modèle, disons, très, très classique, hein, notamment dans la dialectique du maître et l'esclave, et c'est de ce modèle que s'inspire Axel Honneth, qui l'enrichit des apports du pragmatisme, donc un autre pragmatisme, en l'occurrence George Everett Mead, hein, pour développer le modèle bien connu aujourd'hui de la lutte pour la reconnaissance. Et ce qui est intéressant, me semble-t-il, hein, c'est que pour Honneth, la reconnaissance permet de préciser la relation pratique à soi qu'un sujet peut développer dans ses interactions avec les autres, dans des sphères différentes. Donc, il s'agit de la reconnaissance sous la forme de l'amour dans la sphère personnelle, interpersonnelle, hein, de l'égalité dans la sphère juridique et l'égalité des droits, et enfin de la solidarité dans la sphère sociale. Hein, je cite Axel Honneth, extrait donc de la lutte pour la reconnaissance. La reproduction de la vie sociale s'accomplit sous l'impératif d'une reconnaissance réciproque, parce que les sujets ne peuvent parvenir à une relation pratique avec eux-mêmes que s'ils apprennent à se comprendre à partir de la perspective normative de leur partenaire d'interaction, qui leur adresse un certain nombre d'exigences sociales. Cette prémisse générale ne fournit cependant un principe d'explication qu'à partir du moment où l'on y introduit un élément dynamique. L'impératif, ancré dans le processus de la vie sociale, opère comme une contrainte normative qui pousse les individus à élargir progressivement le contenu de la reconnaissance, parce que c'est le seul moyen pour eux de donner une expression sociale aux exigences toujours croissantes de leur propre subjectivité. L'hypothèse ainsi esquissée ne peut cependant s'insérer dans une théorie de la société, évidemment qui reste la vocation de l'école de Francfort, que si elle est systématiquement rapportée à des processus pratiques au sein de la vie sociale. C'est à travers des luttes que les groupes sociaux se livrent en fonction de mobiles moraux, c'est par leur tentative collective pour promouvoir sur le plan institutionnel et culturel des formes élargies de reconnaissance mutuelle que s'opère en pratique la transformation normative des sociétés. Donc on voit ici dans presque ce programme de recherche d'Axel Honneth l'intérêt qu'il porte à l'articulation entre la reconnaissance de soi et avec la reconnaissance par autrui, en montrant le rôle que joue l'altérité dans la constitution et la valorisation de l'identité. Et ici, la chose importante, dans une réflexion sur la reconnaissance, c'est qu'elle est interprétée à partir du rôle du négatif, hein, qui est joué par le mépris comme le ressort, hein, des luttes morales des acteurs. Mais on suppose, dans l'optique d'Axel Honneth, que la reconnaissance intervient ici au titre d'une théorie sociale, en fait, hein, qui suppose de passer par l'autre, par l'altérité, hein, pour la constitution de l'identité, et qu'elle demeure dans les limites de la rationalité, et qu'elle possède en plus un rapport avec la moralité, puisqu'il s'agit bien, dans la lutte pour la reconnaissance, hein, de lutte morale. Et on voit bien, malgré toute la distance qu'il a pris avec Habermas, que Axel Honneth n'a pas complètement tué le père encore, en restant, hein, complètement dans ce cadre, hein, d'une théorie de la rationalité de la société, qui en plus a une dimension morale. Alors, ce qui me paraît intéressant ici, hein, c'est de voir comment cette notion de reconnaissance peut être utilisée en lui donnant, disons, un spectre un peu plus large qui englobe d'autres significations possibles et qui, d'une certaine manière, sortent du cadre, hein, de la rationalité ou de la moralité. Hein, c'est ce qu'on pourrait appeler la reconnaissance comme passion, hein, qui est en fait, qui correspond à un tribunal de la distinction, en fait, hein, par lequel des individus font valoir leur subjectivité dans l'espace social. Et ce qu'on pourrait suggérer ici, c'est que dans une conception un peu différente de la reconnaissance, hein, qui s'éloigne un petit peu de celle qui est proposée par Axel Honneth, la reconnaissance, hein, peut être utilisée, instrumentalisée, en rapport avec l'innovation, hein, la dynamique de l'innovation, pour former un véritable système de pouvoir. Alors, il y a un certain nombre d'auteurs qui ont écrit sur ce sujet. Je me suis un peu inspiré de l'ouvrage d'Alain Cahier, hein, sur la reconnaissance, qui a été publié assez récemment. Et je vais essayer de décliner un petit peu les approches qui sont proposées par plusieurs auteurs, hein, pour montrer justement la variété, hein, des significations sociales de la reconnaissance, des significations individuelles également, qui nous permettent d'enrichir, de compléter le modèle d'Axel Honneth. Alors, quelqu'un comme Farrow, par exemple, hein, se demande si la lutte pour la reconnaissance peut être autre chose, hein, qu'un ensemble de concurrence sociale, hein, si elle peut échapper finalement à cette mise en concurrence des individus, c'est-à-dire des efforts individuels ou collectifs pour obtenir certains biens et succès dans des concours sociaux qui impliquent une sélection ou un classement des postulats. Et voici ce que dit Patrick Farrow, donc extrait de l'ouvrage sur la reconnaissance aujourd'hui. Si on comprend la lutte Pour la reconnaissance au plan le plus universel, on répondra sans doute qu'une telle assimilation est impossible puisque tous les sujets ont droit en principe à un égal respect. Mais l'égalité qui s'impose pour le respect ne peut plus s'appliquer lorsqu'il s'agit d'ajuster la considération et l'estime à des particularités des personnes ou des actes. Car si le désir de reconnaissance porte sur la singularité d'un sujet ou même d'un groupe de sujets, il ne peut se contenter du respect ou des bonnes façons qu'on doit à l'humanité universelle qui est en lui. Le sujet voudra au contraire, et à juste titre, être reconnu pour ses qualités propres, sa profession, ses talents, ses vertus, son caractère particulier. Et il devra alors affronter la concurrence de tous ceux qui sont dans la même situation, avec le risque d'être finalement mal placé dans le concours envisagé. Donc on voit ici une lecture qui met en avant la concurrence et la rivalité, tout en restant dans le cadre de la lutte pour la reconnaissance. Alors, Elena Puccini, il va même un petit peu plus loin, et d'une certaine manière, en singeant un petit peu le lexique de Net qui parle des pathologies de la liberté, elle parle des pathologies de la reconnaissance, voilà, de la reconnaissance pathologique, ce qui est assez intéressant. Elle essaie de sortir finalement d'un dualisme de la reconnaissance qui met en avant la version positive, l'estime, et la version négative, le mépris, qui se complète pour précisément constituer, avec l'expérience du négatif, le ressort des luttes sociales. Ce au nom de quoi les acteurs revendiquent, après avoir fait cette expérience de l'injustice, notamment, qui est un puissant moteur de mobilisation. Et cette notion de pathologie de la reconnaissance, qui est proposée par Puccini, de reconnaissance pathologique, est entendue dans le sens d'une passion qui détache la notion de reconnaissance de sa dimension morale. Je cite Puccini, « Dans le concept de reconnaissance pathologique, cette valeur morale se perd pour deux raisons fondamentales. La première est que ce que le sujet désire ou prétend n'est pas tant l'approbation de l'autre, mais son admiration, la confirmation de sa propre distinction, de sa propre excellence ou supériorité. La deuxième est que même quand il se contente de la pure considération qui lui vient de l'autre, le sujet est prêt à tout pour l'obtenir, même à une trahison de soi-même causée, comme on le verra, par la dynamique mimétique. En d'autres termes, cette fois la reconnaissance devient non plus une prétention morale qui a pour but la réalisation de soi et de la bonne vie, mais un objet de passion, quelque chose que le sujet veut obtenir à tout prix, en arrivant jusqu'à agir d'une manière plus ou moins consciente contre lui-même. Donc c'est une sorte de passion, à mon sens un peu paradoxale, que celle de la reconnaissance, mais qui évidemment s'éloigne assez fortement de la conception de l'être. Et je voudrais dire également deux mots sur la façon dont la reconnaissance peut fonctionner en rapport avec des dynamiques assez nettement économiques qui caractérisent l'innovation, de façon à former système, en fait, à faire système, dans ce qu'on pourrait appeler un système du pouvoir. Et on voit ici effectivement le rapport que la reconnaissance peut entretenir avec le pouvoir lorsqu'elle en vient à être un des éléments d'un système, mais qui est pris dans un sens moins monolithique évidemment que celui de Habermas, plus au sens de Honneth, qui me paraît beaucoup plus nuancé en fait. Et je cite ici Estelle Ferrares, qui aborde justement cette question du rapport entre reconnaissance et pouvoir. Recourir au paradigme de la reconnaissance revient alors, outre qu'à ouvrir l'individuation à la contingence de l'interaction, à transformer autrui en instance. En octroyant à l'autre la tâche de reconnaître, je lui reconnais le droit de me conférer ou non l'égalité, de m'instituer ou non en membre d'un nous, ou encore de m'infliger ou non un tort qui me placera dans l'impossibilité de nourrir un respect ou une estime de moi-même. En ce sens, un acte de reconnaissance implique toujours un pouvoir. Ne supposant ni volonté instrumentale, ni même intentionnalité, le pouvoir inhérent à la relation de reconnaissance réside dans la possibilité qui est donnée de ne pas répondre à la demande, ou de répondre de manière inadéquate, ou d'une manière qui causera un tort. Que cette possibilité soit utilisée ou non ne change rien à la réalité de ce pouvoir. Celui-ci est présent même si celui qui reconnaît ne fait que reconnaître exactement et sans reste la prétention qu'on lui adresse. Il peut toujours refuser de conférer sa reconnaissance. Voici donc un pouvoir qui naît d'une logique de la dépendance et du besoin. Ce qu'avoue finalement lutte pour la reconnaissance, c'est « si tu ne révises pas ton jugement sur moi, je ne puis devenir autre ». Cette ultime caractéristique résulte notamment du fait que si le pouvoir en jeu, ici, est comme posé plus haut, possibilité, il existe aussi parce que celle-ci est conférée. demander, exiger ou même arracher une reconnaissance implique la propre reconnaissance de l'instance et de sa légitimité à être telle par celui qui veut être reconnu. Alors si on fait le lien ici avec cette reconnaissance hein, qui possède un rapport assez évident avec le pouvoir, nous voyons hein, que ce système de la recherche et l'innovation s'accommode assez bien au final hein, d'un mélange de raisons bureaucratiques et de passions qu'on pourrait dire méritocratiques, mais dans un sens peut-être un peu dévoyé. Il correspond bien en fait au mode de distinction d'une recherche de masse au sein d'une société démocratique qui demeure hantée par la question du rang à l'élection. Cette lutte pour la reconnaissance, qui est potentiellement sans limite, bien définie, n'est pas la lutte des classes, mais c'est certainement la lutte des classements, des places, des postes et des crédits. Et c'est une lutte qui est d'autant plus âpre que, s'il est enchanté par le mirage de la rétribution symbolique, l'acteur se dispense alors de trop s'appesantir sur la misère de la distribution matérielle. La reconnaissance semble garantir aux chercheurs tant le sens que la liberté d'un travail, qui est gratifié dans la doxa scolastique, au passage, d'être de surcroît un loisir et une œuvre. La reconnaissance, cependant, ne peut couvrir entièrement les enjeux auxquels se soumettent les acteurs, car au-delà du symbolique, ce sont d'authentiques enjeux de distribution matérielle des ressources hein, qui continuent de façonner la lutte. Donc on voit ici que finalement, ce qui s'ouvre aux chercheurs, et je vais en terminer là-dessus, hein, c'est une action de résistance par laquelle il va opérer des détournements ou des contournements des règles procédurales qui entraînent une discipline de l'enquête, discipline de la méthode, discipline de la pratique et même dans certains cas discipline de la théorie. Mais il s'agit alors d'une sorte d'autonomie dissimulée hein, de la recherche. Ou alors, autre option, hein, qui elle aussi est assez fréquente, hein, c'est l'action de grâce. Voyez. C'est l'action de grâce qui consiste à opter pour des voies d'adoption et de conformation à des règles. Et là, hein, c'est une voie, je dirais, d'hétéronomie négociée, en un sens. Alors, j'aurais beaucoup de choses à vous dire hein, sur tout un tas de modèles, recherche innovation responsable, la critique que j'ai pu ressentir moi-même à travers la notion de recherche innovation commune. Et du coup, cette espèce de modèle, voilà, d'une cité de la recherche, hein, qui utiliserait cette notion de commun, hein, de communauté de recherche, dans un sens un petit peu différent de Peirce, en supposant effectivement que les chercheurs et les citoyens peuvent avoir une mutualisation des ressources et des buts qui leur permet d'échapper d'une certaine manière à ce rouleau compresseur finalement du modèle d'innovation hein, qui conditionne en fait la recherche. Voilà, Merci Sylvain. Non, mais c'est parti de très loin, donc, mais tu finis par effectivement attraper l'objet. Là, c'est un peu comme les drones ou les machins. Là, c'est les philosophes aujourd'hui, il faut s'en méfier. Ils ont l'air très loin, mais en réalité, ils mettent. Merci, parce que effectivement, avant de poursuivre, peut-être deux, trois éléments de transition, peut-être une ou deux questions pour ne pas perdre trop le sens de ce que tu nous as proposé, parce que je trouve que c'est très innovant, hein, d'une certaine manière, cher collègue. Non, mais la première question que je verrai, c'est bon, tu choisis de partir de Peirce et tu prends Schumpeter comme un peu contrepoint d'une certaine manière. Plus classiquement, en fait, dans nos disciplines, on part finalement de Popper et de. Hein, et après, on oppose Kuhn et Feyerabend, etc. Mais peut-être Latour, je ne sais pas. Et donc. Ce choix de mise à distance historique, parce qu'il y a quand même plus d'un siècle et demi, là, enfin, ça commence à faire d'épaisseur historique, tu penses que c'est absolument nécessaire justement à s'arracher à l'inertie de nos modes de fonctionnement qui sont devenus tellement évidents, enfin, voilà, qu'on ne les voit plus, ou est-ce que c'est parce que les propositions de ces deux philosophes sont d'une certaine manière suffisamment épurées pour pouvoir penser l'opposition que tu proposes, parce que finalement, recherche innovation, effectivement, cette espèce de chimère que tu proposes de déconstruire et pour aller après pour jusqu'au bout. Alors la deuxième question, c'est plus une fois que tu rentres sur la question et tu fais un changement d'échelle, bon, qui est légitime hein, dans ton raisonnement, mais qui pour un sociologue évidemment est plus problématique. Puisqu'on a la recherche, on a des propositions, on va dire, universalisantes ou générales sur ces entités-là, et puis après on a le chercheur. Donc cette espèce d'individu qui serait supposé se couler d'emblée dans cet ensemble de formules, de grammaire, dirait d'autres, hein, je ne sais pas. Donc c'est la question de... Voilà. Parce que chez Emmanuel Renaud, dont je parlerai peut-être très rapidement tout à l'heure, parce que sinon ce serait trop long, lui propose de s'inspirer d'une approche clinique, et de ce qu'il appelle d'ailleurs une clinique de l'injustice, mais qui renvoie aussi à ce que d'autres ont fait dans la sociologie clinique, par exemple du travail. Alors, sociologie clinique ou psychologie clinique, je pense à Yves Clos, on pensait à De Gaulle Jacques, ou des gens comme ça, où justement on part de l'expression des premiers troubles, des premières... questions, enfin, qui effectivement font qu'on se sent agressé par exemple, un appel à contribution, par exemple. Ça produit des effets émotionnels face à son écran, ça, plaf, un petit shoot, là, parce que c'est un sujet qu'on pensait qu'il n'y avait personne dessus, ou qu'il y a un délai, ou il y a quelque chose qui va créer une espèce d'altération dans le cours d'action. Et donc, en partant de ces mouvements pré-critique d'une certaine manière, ils essayent de développer en fait toute une sociologie de la souffrance au travail, enfin dans l'esprit de jour aussi, hein, etc. Donc on voit bien que là on a une approche complètement, enfin je veux dire, diamétralement opposée d'une certaine manière à ce que tu proposes. Donc c'est juste des questions. Hein. Est-ce que tu penses qu'on peut les faire coïncider à un moment donné pour justement mieux documenter peut-être cette question des passions, cette question des résistances, cette question des communautés qui peuvent se construire et justement échapper de certaine manière à ce qui apparaît comme une espèce de machine incontournable face à laquelle... Parce que ça permet de, en retour, et je finis là-dessus, de réinterroger la question de la reconnaissance chez Honneur qui moi me pose problème parce que il pose ces trois niveaux, ces trois logiques, hein, en gros l'affect, l'amour, le droit et puis la valeur sociale, on va dire, hein, ou l'estime sociale. Mais on n'a jamais en fait une caractérisation des configurations sociales qui construisent ces valeurs-là. C'est-à-dire qu'elles sont supposées finalement indéterminées. C'est la critique que lui faisait Nancy Fraser, d'ailleurs. Ou aussi d'ailleurs Charles Taylor, qui lui essayait de le mettre vraiment dans l'idée que chaque culture va construire en fait ces différents étages de manière complètement différente et on ne peut pas comme ça universaliser. Et on voit bien que, alors une des conséquences de ça, c'est par exemple dans une communauté de sciences sociales, d'une discipline des sciences sociales, de certains types de pratiques, etc., on n'aura pas les mêmes problèmes avec la reconnaissance et l'adhésion ou non à des normes gestionnaires, etc., que dans, par exemple, en physique théorique. D'ailleurs, il y a des grands résistants parce que justement, mais il y a aussi besoin de beaucoup de gros équipements parfois pour faire, je sais pas, le boson de Higgs ou des machins comme ça. Ou dans les start-up d'Evry où ils font leur Fab Labs avec des biotech, etc. C'est des véritables capharnaüm. Donc là, c'est intéressant parce que c'est aussi un truc que tu n'as pas dit, mais c'est un nouveau rapport à l'innovation. C'est-à-dire qu'on ouvre des espaces, allez-y, quelque chose va en sortir. Quoi, hein. C'est les pépinières de. Donc voilà, toi, toutes ces nuances selon les points d'entrée qui vont venir modifier un peu l'idée qu'il y a une matrice. Voilà, c'était juste pour lancer des exigences. Une réponse rapide peut-être, puis on passe comme tu veux. Oui, disons que concernant Peirce, ça m'a semblé intéressant de reprendre la proposition jeunesse qu'il faisait concernant l'économie de la recherche, parce que justement ça permet d'avoir un certain recul sur des questions qui nous occupent pas mal aujourd'hui. Ça permet de voir que ce sont des questions assez anciennes, même si évidemment, j'ai essayé de montrer le contraste qu'il y avait entre l'économie de la recherche et l'économie de l'innovation à la Schumpeter. Alors ce qui m'intéressait aussi, c'est de montrer quels usages éventuels, quelle distorsion plus exactement on pouvait faire de ce label un peu général du pragmatisme, donc les mécompréhensions de ce prime à la pratique en fait, hein, qui chez Peirce en fait ne veut pas du tout dire la pratique économique. Voilà, c'est un sens tout à fait différent parce que on pourrait dire que ce qui caractérise, c'est-à-dire le Volksgeist, hein, le Zeitgeist d'aujourd'hui, c'est la maxime il faut être pragmatique. Voilà, il faut être pragmatique. Et on pourrait tout à fait faire un usage assez détourné hein, de ces maximes de méthode et de l'économie de la recherche de Peirce en montrant, vous voyez, Peirce, 19e siècle, déjà posait le problème de l'efficacité, de l'utilité de la recherche. Mais ce n'est pas du tout, en fait, ce qu'il veut dire actuellement. Parce que c'est bien dans une optique hein, de recherche et de connaissance qu'il ils ont proposé ces maximes. Alors après, évidemment, il y a la question de l'ancrage, en fait, de la réflexivité hein, dans des pratiques hein, de recherche, une sorte de vie de laboratoire réflexive, en fait, oui. Qu'on pourrait imaginer. Alors, je pense qu'il y a plein d'outils hein, dans les sciences sociales qui existent, notamment, bon, là... Alors, peut-être qu'on peut même aller jusqu'à la psychopathologie du travail, puisque, en un sens, il y a... Des travailleurs de la preuve qui souffrent aujourd'hui, voilà, qui sont confrontés à de véritables pertes de sens en fait, hein, de leur activité. Quel est l'illusion, le jeu de cette activité qu'on appelle recherche dans le contexte, les règles qu'on leur impose aujourd'hui. Donc c'est... alors moi j'essaie de prendre ça à partir de d'une approche que je développe par ailleurs que tu connais qui sont les philosophies ordinaires parce que ce qui m'intéresse aussi c'est d'examiner quels sont les modèles philosophiques des acteurs et donc les différents degrés d'élaboration hein, de ces modèles qu'ils ont en tête de façon aussi à voir avec un peu de précision les points de convergence et les points de divergence par rapport à des modèles institués qui aujourd'hui justement, si on prend le cas de la recherche et l'innovation, ont une fâcheuse tendance à produire un formatage en fait, hein, la façon dont des chercheurs construisent des enquêtes, des plans d'enquête, y compris avec ces injonctions paradoxales, mais qui... Alors, je ne sais pas si elles sont kafkaïennes ou si elles procèdent d'une relation sadomasochiste, hein, mais où on vous dit, en gros, de dire dès le début d'un projet de recherche ce que vous allez trouver. Et ce à quoi on a envie de se dire, mais à quoi ça sert de faire une recherche si on doit dire déjà à l'avance ce qu'on va trouver et si c'est effectivement ça qu'on trouve. Et au final, c'est quelque chose d'un petit peu absurde. Vas-y. Juste une question, enfin une question d'observation. Ça va dans le même sens de la fin de notre échange là. C'est sur la diversité des réponses, ouais. Aussi des ripostes. Parce que, à vous entendre, en tout cas la fin de l'exposé, les actions de résistance disponibles, il y avait le contournement des règles, de la ruse, ouais. Et l'hétéronymie négociée, l'adaptation plus tôt quant à soi. Bon, mais on sait bien qu'il y en a d'autres. La première, c'est le rire. Quand Francis a lu cette espèce d'appel d'offre, tout le monde se marre. Tout le monde, ou presque. Il y a le rire, il y a le mépris, il y a la colère, il y a la pratique effective de la coopération dans le boulot. Quoi. Il y a la pratique de la collégialité dans les évaluations, les réseaux de la vie, etc. Bref. Ce qui m'intéresse énormément dans ce que vous avez dit, c'est que vous avez fait ressortir avec beaucoup de clarté, plus qu'un non-philosophe comme moi ne saurait faire, la cohérence du modèle hein, qui sous-tend les nouvelles règles procédurales, etc., de la recherche innovation. Mais ce qui m'inquiète un peu dans ce mode de présentation, vous avez fait référence aux épistémées foucauldiennes, c'est pas la première fois qu'on entend ces présentations globales, c'est comme si la messe était dite en quelque sorte. Voilà. C'est comme si déjà on avait changé de monde et qu'il ne restait plus qu'à vivre avec ce truc. Et voilà. Or, je trouve qu'une tâche d'un philosophe pourrait être aussi, mais c'est ce que vous esquissiez, je crois, dans vos dernières remarques, celle de énoncer aussi, avec plus de clarté que nous ne serions le faire, les soubassements philosophiques du modèle ou des modèles alternatifs qui sont en action aujourd'hui même. Soit sur le mode des vieux schnocks de mon genre, par exemple, qui disent de toute façon la science, nous on sait ce que c'est et vous, vous ne savez pas, par exemple. Il y a d'autres modèles qui sont en train de naître, finalement. Voilà. Et donc les modèles alternatifs de cette affaire, ils existent, il faut les dire aussi, quoi, parce que oui, on va croire qu'ils ont déjà gagné tous ces combats. Alors, il est vrai que j'ai un peu écourté la fin de mon exposé parce que mon camarade m'aurait fait faire mon autocritique. Donc là, je vais donner l'occasion de parler plus longtemps. J'ai essayé de regrouper deux grandes familles de postures en fait, face à le rôle compresseur, en quelque sorte. Mais j'essaie de corriger tout à fait l'impression que j'ai pu donner vers la fin, parce que je ne crois pas du tout que la messe est dite en réalité. Je crois au contraire même que plus on s'achemine vers une généralisation d'un modèle de recherche-innovation, presque en un seul mot, qui impose des contraintes bureaucratiques, gestionnaires, managériales assez poussées, au point même de dénaturer pour certains chercheurs le sens même de leur métier, plus en fait les alternatives se constituent, émergent, se construisent. Et c'est un peu le sens du modèle de recherche-innovation commune que j'essaie d'élaborer depuis quelques temps en essayant de prendre le contre-pied de celui qui est en discussion au niveau de l'Europe, qui est la recherche-innovation responsable. Si j'ai 30 secondes, oui, 30 secondes. Je voudrais vous lire la définition de la recherche-innovation responsable, Responsible Research and Innovation, qui a été proposée dans plusieurs versions qui ne sont pas encore complètement stabilisées, parce que c'est encore quelque chose qui est sur le métier, si je puis dire. Et je voudrais retenir celle de Von Schoenberg, qui a été mon scientific officer, comme on dit dans le jargon, à la commission, mon responsable scientifique dans des projets de recherche européenne dans lesquels j'étais impliqué. Un homme tout à fait sympathique, fonctionnaire de l'Europe, mais scientifique de formation, qui est passé par l'école de Francfort. Émigré, intéressant. Sauf que voilà comment il définit la recherche innovation responsable. C'est un processus transparent et interactif par lequel les acteurs et innovateurs sociétaux deviennent mutuellement réactifs l'un envers l'autre, en prêtant attention à l'acceptabilité, entre parenthèses éthique, ce qui laisse entendre que l'acceptabilité n'est pas forcément éthique, il peut y en avoir d'une autre nature, à la soutenabilité et à la désirabilité sociétale du processus d'innovation et de ses produits commercialisables, afin de permettre une intégration des avancées scientifiques et techniques dans une société. C'est ça, la recherche et l'innovation responsable. Alors ça, si vous voulez, c'est assez intéressant, parce que bon, je pourrais en faire une lecture un peu détaillée, mais on voit bien, à mon sens, l'empreinte, la marque très forte d'un modèle anglo-saxon, une sorte de compromis entre une liberté de recherche qui se réduit de façon drastique, mais qui est censé continuer d'exister un minimum, mais qui a pour contrepartie la responsabilité. Mais responsabilité dans le sens responsibility et responsiveness, c'est-à-dire en fait la réactivité des différents acteurs de ce processus de recherche-innovation. Et vous voyez en fait que le mot innovation est le mot central en fait dans tout ça, et la recherche est comme en quelque sorte relégué à la marge, comme une sorte de cas limite d'un processus d'ensemble qui est l'innovation. Et on voit bien l'orientation commerciale, très nettement. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucune place dans cette conception de la recherche et innovation responsable qui est censée, au niveau de l'Europe aujourd'hui, être le nouveau modèle qui remplace la R&D, la recherche et développement. Il n'y a aucune place, par exemple, pour le logiciel libre, la recherche, ce que moi j'appelle la recherche et innovation commune, qui n'implique pas forcément une recherche de profit. Ça ne veut pas dire que le profit est exclu, mais ça veut dire que ce n'est pas la seule finalité. Ni la commercialisation, ni quoi que ce soit. Donc, je pense que ces modèles alternatifs sont vraiment en train d'émerger fortement, en tension justement avec ces modèles de recherche-innovation responsable qui sont encore en discussion aujourd'hui au niveau de l'Europe, mais qui sont en passe de s'imposer quand même comme étant le nouveau cadre par lequel on va passer à l'avenir. Et qui me paraît en fait assez marqué d'une empreinte très anglo-saxonne en réalité. Voilà. Je propose de retenir de cette discussion la question justement de l'irréversibilité et de comment justement réversibiliser les processus. Enfin, c'est pas tellement qu'il y a d'autres mondes qui continuent à persister, c'est comment précisément les acteurs, par exemple un mouvement social, pour revenir à Honnête, est capable de réversibiliser un processus de mépris généralisé, par exemple. On peut pas dire que dans le cas français, qu'on connaît bien quand même, pour l'avoir accompagné et étudié de près, ce séminaire en est lui-même un produit, 2004, 2009, même l'histoire des communes 2014, pour l'instant, ça soit tangible, mais ça ne veut pas dire que ça produit rien. Donc, c'est bien effectivement cette question de travailler sur différents angles. C'est pour ça que je vous propose de passer, donc, avec Philippe Cyprien, passer donc, sur une autre entrée avec la question de la précarité, du précariat, je ne sais pas comment tu qualifies les choses, qui marque aussi la recherche aujourd'hui. Okay, merci. Alors, pour ma part, je préférais que ce que je dis ne soit pas enregistré. Je m'adressais juste aux personnes qui sont là.